La vie de Sydney, 1903-1995, première partie. Sydney Robertson Cowell, née Sydney William Hawkins, était une collectrice de folk music, particulièrement active dans les années 30, où elle travailla pour différentes agences gouvernementales et fut l'une des grandes pionnières de l'étude de musique non anglophone des États-Unis. Elle poursuivit ses activités de collecte dans les années 1950 aux États-Unis et dans divers pays d'Europe et d'Asie, grâce à des bourses de recherche ponctuelles. Bien que particulièrement compétente dans les domaines de la musicologie et des enquêtes ethnographiques, elle ne mena pas de carrière académique, et ses quelques publications, scientifiques comme non scientifiques, principalement consacrées à la folk music, mais également à la musique contemporaine américaine, passèrent relativement inaperçues. Suite à son mariage avec le compositeur Henry Cowell en 1941, elle consacra la majorité de sa vie à soutenir les activités de son époux, tantôt en assurant des remplacements pour ses cours de musicologie à la New School of Social Research de New York, tantôt en rédigeant avec lui un ouvrage sur son mentor, le compositeur Charles Ives. Après la mort de Henry Cowell en 1965, elle devint gardienne de sa mémoire, travaillant sans relâche à rédiger une biographie exhaustive de sa vie de compositeur, qui ne verra jamais le jour, et gardant jalousement ses archives au détriment d'autres chercheurs intéressés par les travaux et la vie de son époux défunt. Cette attitude très défensive s'explique en partie par sa crainte de voir la réputation de Cowell souillée par une affaire de mœurs qui lui valut près de 5 ans d'emprisonnement. En 1936, il fut en effet accusé et condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec un adolescent. Au milieu des années 1990, Sydney Robertson Cowell, nonagénaire ayant presque entièrement perdu la vue, passait ses journées à correspondre avec des archivistes et des chercheurs, aidés par une secrétaire. Cette dernière répondit au début des années 2010 à une petite annonce que je faisais publier dans le journal local de Shady, New York, où avait vécu Sydney les 40 dernières années de sa vie. Elle me confia que son travail auprès de Madame Cowell avait été très difficile et la décrivit comme une femme quelque peu acariâtre et autoritaire, qui s'acharnait à nourrir les ratons laveurs passant sous la fenêtre de son bureau alors qu'ils étaient considérés comme une espèce nuisible et invasive. C'est à cette époque que le directeur de l'American Folklife Center, Alan Jabour, folkloriste et violoniste renommé, sélectionna le California Folk Music Project conçu par Sydney Robertson à la fin des années 30 comme projet pilote pour la mise en ligne des collections du centre. Ce choix, guidé par des enjeux politiques de mise en valeur du caractère multiculturel des États-Unis, était très ambitieux pour une première tentative de mise en ligne en raison du nombre très important de documents qu'elle contenait. Catherine Eberkerst, qui venait alors tout juste d'intégrer l'équipe de l'American Folklife Center, et qui fut assignée à ce projet, prit contact avec Sydney Robertson Cowell, malgré les mises en garde de Jabour, bien au fait de la réputation difficile de Cowell. Ce dernier craignait qu'elle ne s'immisce trop dans le projet, impose des restrictions ou retarde son avancée d'une manière ou d'une autre. Mais l'équipe parvint vraisemblablement à maintenir un bon équilibre entre une nécessaire consultation avec l'auteur principal de la collection et son maintien à bonne distance. Kerst, frustrée de n'avoir pu rencontrer Sydney Robertson Cowell en chair et en os suite aux directives de Jabour, dut se contenter d'un entretien téléphonique et d'échanges de courriers. La jeune archiviste fut quelque peu heurtée par les critiques acerbes de Sydney à l'encontre de la biographie qu'elle lui soumettait. Elle se vit notamment reprocher de la dépeindre comme une féministe, ce qui déplut grandement à la vieille Madame Cowell. Sydney Robertson Cowell n'aimait pas que l'on parle d'elle, et c'est d'ailleurs l'une des difficultés auxquelles est confronté le chercheur intéressé par son parcours. Ses archives, bien qu'extrêmement prolixes en ce qui concerne sa vie intellectuelle, son travail de collectrice et ses efforts de mise en valeur de l'œuvre de son époux, sont lacunaires en ce qui concerne sa vie personnelle. Les archives qu'elle a déposées à la Bibliothèque du Congrès ont vraisemblablement été expurgées d'une partie de sa correspondance. Retracer les différents chapitres de sa vie personnelle demande d'importants efforts d'investigation. Il fut par exemple frappant de découvrir de manière tout à fait fortuite que Henry Cowell, contrairement à ce que déclarait Sydney, n'était pas son deuxième époux. Elle fut d'abord mariée de 1926 à 1932 à l'étudiant en médecine Kenneth Robertson, mais son troisième époux. Il s'avère qu'à la fin des années 30, Sidney avait secrètement épousé un photographe, dont l'identité est incertaine. Ce mariage, qui ne dura pas plus de quelques mois, n'est mentionné dans aucun des essais autobiographiques et réminiscences que Sidney avait déposés à la Bibliothèque du Congrès. Il fallut explorer d'autres pistes pour mettre la main sur un seul et unique courrier adressé à un de ses amis proches, où elle mentionnait à demi-mot seulement ce mariage clandestin. Cette lettre provient d'un fonds privé détenu par le petit-fils de l'ami en question, l'historien Robert Binkley, avec qui Sidney s'était lié durant ses années d'études à l'université de Stanford. Heureusement, pour nous, le présent ouvrage n'est pas une biographie de Sidney Robertson Cowell. Ses activités professionnelles dans les années 30 constituent le cœur du sujet, tandis que sa vie personnelle passe au second plan. Sidney Robertson, et pas la jeune Sidney William Hawkins, ni la Madame Cowell d'après 1941, jouera un rôle de passeuse, de guide, pour entrer dans l'histoire des études de musique folk américaine. Ce projet s'alignera ainsi à ses propres intérêts et aux sujets de recherche auxquels elle consacra sa vie professionnelle. Comme elle l'écrivait en 1938 dans un article pour le San Francisco Chronicle, l'histoire de la recherche en folk music dans ce pays est presque aussi caractéristique des États-Unis que le matériau auquel il est concerné. Mais, on déplaise à Sidney, il faut tout de même bien la situer socialement un minimum. Les pages qui suivent vont donc retracer dans les grandes lignes, et en se gardant bien de qualifier ses actions de féministe, les différentes étapes de sa vie de femme et également ses origines familiales. Je vous laisse avec un enregistrement du milieu des années 30, provenant des collections de l'American Folklife Center. Il s'agit de Sidney Robertson interprétant Wayfaring Stranger, accompagné à la guitare par Charles Seeger, le père de Peggy, Mike et Pete. Cet enregistrement a probablement été réalisé pour tester la machine enregistreuse avant de s'en servir sur le terrain. I'm just a poor and lonesome traveler behind a mule that sparkles low, a creaking on to death and worry, the only place that I can go. My father lived and died a farmer, a reaping less than he did so, and now I travel in his footsteps, and knowing less than he did know. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les paroles ne correspondent pas aux versions traditionnelles de Wayfaring Stranger. Il s'agit de paroles qui ont été réécrites par Charles Seeger dans un but d'ingénierie sociale, mais ça, on en parlera plus tard.